pied de l'arbre, je reste de marbre, car j'ai un cœur de pierre. Une mère pleure, un père meurt, l'enfant perd ses repères. J'en ai plus rien à foutre et je sais que c'est moi qui me cours. Sans cache au jour le jour, ni pour ni contre, mais contre le working poor. Et mine de rien, ils nous font mener la vie rude. Et le problème, c'est que ces fils de chiens nous ont donné l'habitude. Le diable n'apparaît qu'à celui qui le craint. Ça ne fait plus rien, mener mon train-train quotidien sans changer d'attitude. Plein d'hématomes sous les frusques, j'en ai pris des pains. Laissez-moi jouer à l'art ou les truches, le baril est plein. Être celui qui jette sur la grenade avant qu'elle explose. Car je ne pourrai jamais sauver la planète tellement qu'elle est pauvre. Y'a pas foule, je me jetterai bien parfois du haut de la tour. Tu veux de l'amour, y'a pas de doute, la colle me fait plus rien, ça me saoule. Ça ne fait plus rien de visager, de peut-être me passer d'eux. Tu sais bien le message et qu'on ne fait pas d'omelette sans casser d'eux. Ouais, si excite les loups, ouais, je manque pas la race, mec. J'ai dit, mais c'est toi le loup quand je parle arabe. Yeah. Et si ma chute ravit la foule, moi je m'en fous. Laisse-moi rire, pas la chute, après la foule. Yeah. Je réexcite les loups, ouais, je manque pas la race, mec. J'ai dit, mais c'est toi le loup quand je parle arabe. Yeah. Puisque ma chute est inévitable, ne stresse pas, je suis déjà mort depuis que la thune est vitale. J'ai beau boire, l'alcool me saoule même plus, frère. Faut le croire, je suis peut-être comme toi, j'ai poussé le bouchon pour être sûr. J'ai brillé de cette plume, pensé avoir tout perdu, trier le vrai du faux pour ne pas tenter le diable et sa roulette russe. J'ai tant jeté ma vie au fond d'un sac poubelle, vidé chaque bouteille, putain, pour la connaître, j'ai pris des claques pour elle. J'suis comme ce gamin qu'on prend ce sac poubelle, lourd passif, mais bon, pour mieux me comprendre, faudrait vraiment vivre ça de vous-même. J'ai dû m'absenter le temps d'un soir, prendre le large pour grandir au pied des murs ou sur le banc d'un squat. J'ai pris une pêche et en cette droite, vraiment compris quand c'est sera le manège, insensible à la douleur, comme ce fou du pantin de poids. Et comme ce type qui s'éteint à lui-même, j'ai planté le couteau dans la chair, perdu le goût de la merde, et méditeur que le mal me fait plus rien. J'parle toujours de ma peine, tu sais, j'ai fait le tour de ma peine. C'est sûr, j'prendrai peut-être pas plus de mon temps pour m'étaler sur elle. Ouais, si excite les loups, ouais, j'manque pas la race, mec. J'ai dit, mais c'est toi le loup quand j'parle arabe. Et si ma chute ravit la foule, moi je m'en fous. Laisse-moi rire, pas la chute après la foule. Je réexcite les loups et je manque pas la race, mec. J'ai dit, mais c'est toi le loup quand je parle arabe. Puisque ma chute est inévitable, ne stresse pas, je suis déjà mort depuis que la thune est vitale. Écoute mon rap, tu l'aimes ou pas, moi je m'en tape. Un gros mental, car ceux qui mangent les restes mangeront tard. Puisqu'on est bien qu'avec les siens, comme un clodo devant la gare, mec. Je me fous de faire le chien tant qu'il n'y a pas que de l'eau dans ma camelle. Évite de perdre ta salive à dénigrer le taf. Je me fous de qu'est-ce qu'est qui tu salis du PY. Et bien, pour tout nouveau talent, je suis un buvable agaçant. Mais chéri, vas-y, fous-moi sur ta langue. Je suis un buvard, un 400. Chiale pas, c'est pénible. Et ça ne m'atteint pas, un peu comme quand le tapin parle. Gaz pas, c'est pénis. Un mec impur assure ma toilette. Donc pour faire mon autoportrait, je jette du purin sur la toile et je vends 100 000. Allez, rien à péter. Je regarde un homme sans vie qu'un galérien m'a prêté. Je marche avec une sagresse, une tête de weed. Roots, gorgo, j'agresse. C'est une pièce vide en 12 secondes chrono. Ah, là sur ma vie, je suis comme un sorcelé. Des fois, j'ai envie de rire lorsque je vois un proche pleurer. Ça sonne creux, dans ma tête, c'est un peu le bas. Je la connais celle-là, non? J'ai déjà fait. J'ai rien d'une victime, mais je ne kiffe que les beats tristissimes. Mes tripes gris, mon beat freeze, la crise de mysticisme. C'est difficile que je puisse rire, en déficit de vie, je vibre. Mes véridiques me livrent, si peu de signes visibles. Est-ce illisible, ou est-ce moi qui ne décrypte plus? T'oublies que je suis vide, si je quitte des triples rimes de fils de... Ah, puisque c'est bien ça que tous ces graves font. J'ai un match de technique avec une bête de forme quand y'a pas de fond. Ça fait les chansons de brebis. Pour un artiste, l'équation est simple, c'est pas je pense et je ressens donc je suis. Y'a jamais de gueule de bois, j'ai pas eu besoin d'alcool pour que ça brûle à l'intérieur de moi. J'ai crié faites-moi mal que je me sente vivre. Et si mes souvenirs musent, je préfère être sensible, je m'en bats la race de souffrir plus. Faut pas être vite dedans. Donc je me répète pour être clair, s'il y a plus de larmes, j'admettrai même que mes yeux pissent le sang, pissent le sang, pissent.